Ça tombe bien qu'on ne soit pas très nombreux parce que cette séance va être un peu particulière. Je vais vous parler d'une patiente qui a été présentée dans le service où j'interviens régulièrement. Et que, cas assez rare, nous avons vu deux fois. Et vous allez voir, une des choses les plus amusantes dans le fait de revoir cette patiente, c'est que justement, la deuxième fois, le médecin Jean-Jacques Tisler, le médecin qui l'examine, je fais les reprises de ces présentations, ne l'a pas reconnue. Si bien qu'on a, on l'a vu il y a deux ans. Et c'est ça, une réhospitalisation pour les raisons que vous allez voir. Et voilà, vous allez voir, c'est une situation extrêmement particulière. C'est deux présentations de même malade, et je vais essentiellement vous parler de la deuxième présentation qui est la plus fraîche. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de cette patiente, de cette malade? Parce que la dernière fois, je travaillais sur cette notion fortement critiquée par Louis Sass au début de des paradoxes du délire, de la psychose comme perte de la réalité. Et comme échec de l'épreuve de réalité, etc. Et c'est aussi, comme vous souvenez, le point de départ de Lacan, qui dans son texte de 56, mais déjà dans un certain nombre d'autres textes sur les psychoses un petit peu antérieures, s'était prononcé contre la version sophistiquée de cette théorie de l'hallucination, qui est donc la perception sans objet, qui, au fond, dans le sans objet, est une manière descriptif de décrire quelque chose comme la perte de la réalité ou de l'épreuve de réalité. Et j'avais la dernière fois longuement développé l'idée que, bien loin d'être une évidence, cette prise de position, l'idée que voilà, il n'y a pas de percipience, c'est pas un problème du percipience que ce à quoi on a affaire dans l'hallucination psychotique neurologique, c'est un autre problème. Ça nécessiterait une autre élaboration, mais en tout cas pas dans l'hallucination psychotique. Ça faisait en quelque sorte une référence directe à une théorie de l'intentionnalité de la perception, etc. À l'époque, la référence, c'est la phénoménologie de la perception de Husserl, notamment le passage qu'on a regardé ensemble la dernière fois à la fin de la troisième partie. Quand on regarde ce passage-là, on s'aperçoit qu'en réalité, la théorie du percipience, qui est à l'époque la théorie phénoménologique qui soutient les premiers éléments d'une psychiatrie phénoménologique, c'est une conception extrêmement sophistiquée qui n'a rien à voir avec la conception assez vulgaire en fait de l'hallucination auquel s'en prend Lacan. Et c'est d'autant plus important que la phénoménologie de la perception est un texte de 45, qu'il avait une grande autorité épistémologique à l'époque, que c'était incontournable d'avoir lu ces passages, etc. Et que donc, ça vous situe le geste, en quelque sorte, de Lacan dans le texte donc, sur le traitement préliminaire, hein, comme un geste de rupture extrêmement affirmé, enfin, vraiment se situant contre la crème de ce que l'on pouvait faire à l'époque comme une interprétation phénoménologique sophistiquée du problème de l'hallucination. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder les choses sous un angle un tout petit peu différent. C'est reprendre cette question de la réalité, de la fameuse perte de la réalité dans la psychose, et d'aller au fond, si vous voulez, jusqu'au bout de ce que Lacan me semble faire en se passant complètement de l'idée de perte de la réalité. C'est-à-dire en renonçant complètement à ce qui a été la tradition psychanalytique jusqu'à très loin, puisque même dans les années 90, quand Louis Sass écrit, cite des textes récents, où on voit très bien, c'est cette perte de la réalité, c'est un trou dans la réalité, c'est le narcissisme du patient qui vient regonfler, n'est-ce pas, le trou dans l'espace perceptif, cette espèce de communication d'un dedans qui se déverse dans un dehors pour réparer un trou de la réalité, qui était une interprétation fortement psychologisante, mais qui est très très étayée dans quantité de considérations qu'on trouve chez Freud, qui se représentait les choses lui-même comme ça. Et comment accéder à cela ? Eh bien, c'est justement en essayant de se faire une théorie du délire et de l'hallucination qui n'a jamais recours à cette inanalysable qu'est la réalité, qui fait de la réalité quelque chose qui est un effet, dont il faut penser les coordonnées, et qui fait de la psychose une modification, alors soit une altération, soit dire au moins une modification des coordonnées à l'intérieur duquel ce qu'on appelle la réalité est la réalité. Voilà. Et en ce sens, ça suppose une sorte de clarification de ce qui, de toute façon, que on accepte ou pas la position de Lacan que je vais développer, est une chose auquel tout le monde a directement accès. Et qu'il suffit simplement de se regarder, d'écrire les situations, je dirais, médicales, à l'hôpital, des patients qui sont gravement psychotiques, très hallucinés, très délirants, etc., pour voir que la manière dont nous en parlons, la manière dont on en parle les uns avec les autres, dont on écrit les certificats, dont on rapporte à l'équipe soignante à quoi on a affaire, etc., ne cesse de mobiliser, pour des raisons qui méritent quand même d'être profondément appréciées, cette notion de réalité. Et ça, c'est, je crois, il est très très difficile de tout simplement parler les uns avec les autres de la psychose, sans avoir quelque part convoqué cette notion de réalité dans nos appréciations. Alors, ce qui fait l'idée de la perte de la réalité dans la psychose, ce qui la rend un peu délicate, c'est que jamais, ou vraiment, sauf dans le cas que je vais vous raconter, où ça pose un problème tout à fait singulier, jamais il n'est question de perdre toute la réalité. Autrement dit, ce qu'on appelle la perte de la réalité, l'échec, ou la carence de l'épreuve de réalité, c'est toujours un effet de contraste. C'est toujours un moyen de dire du patient, du délirant, là il est dans la réalité, et ici il ne l'est plus. Voilà. Ce qui est très intéressant, et justement c'est le phénomène auquel on a assisté, et auquel j'ai assisté moi-même, dans lequel j'ai été pris, c'est pour ça que c'est un phénomène épistémique qui a une grande valeur pour la réflexion analytique, c'est que quand vous voyez successivement un intervalle de temps suffisant une personne qui est extrêmement délirante, eh bien, vous avez pensé au départ que A était vrai, que B était faux, et puis 2 ans après, vous apercevez que, en réalité, c'était A qui était faux et B qui était vrai. Donc, en fait, d'une certaine manière, vous êtes complètement fourré le doigt dans l'œil jusqu'à l'omoplate, n'est-ce pas ? Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, vous tenez comme tout aussi délirante la personne d'un bout à l'autre de ce raisonnement. C'est-à-dire qu'au fond, ça revient au même. Que A soit vrai, B faux, ou B vrai et A faux, du moment qu'est maintenu ce contraste qui nous permet de dire que la réalité chez cette personne est complètement, le rapport à la réalité est complètement perturbé. Alors, la difficulté auquel on a été confronté devant l'affaire de Catherine P., la patiente dont je vais vous parler, qu'on a vue donc 2 fois, c'est que, pour les raisons que vous allez voir, il est devenu extraordinairement difficile de trouver quoi que ce soit sur quoi on puisse faire fond pour apprécier la situation de cette personne. C'est-à-dire de savoir ce qui était réel et ce qui n'était pas réel, et ce qui était dans la réalité et ce qui n'était pas dans la réalité, dans ce qu'elle nous racontait. Tellement, d'une part, son mode d'énonciation catégorique, direct, à un certain degré de cohérence dans ce qu'elle racontait, permettait à un certain moment de se dire « Ah bah oui, voilà, c'est ça qui lui est arrivé, alors il lui est arrivé cela. » Et puis, dans le fil même de l'entretien, on lui dit « Ah non, c'est exactement l'inverse, c'est ça qui lui est arrivé, et puis c'est la conséquence, et puis 2 ans après, c'est encore autre chose. » Sans qu'à aucun moment, ce qu'il en était véritablement, de son père, de sa mère, de son enfance, de son état du corps, de sa maladie, de l'histoire de sa vie, rien, strictement rien, pour faire fond sur rien. et qu'elle voyageait comme ça, de service en service, en racontant des histoires qui étaient chaque fois relativement cohérentes, qui ne faisaient aucun doute qu'elle avait perdu le sens de la réalité, qu'elle avait plus le sens de la réalité, hein, mais qui en même temps était à chaque fois indéterminable. Alors c'est là où la manière de restituer ce dont il s'agit dans des situations de psychose de ce type est très complexe, parce que comment justement faire apparaître ce dont on a une intuition assez directe, n'est-ce pas? Que vous avez en face de vous quelqu'un qui est en proie à une très grave psychose, alors que justement c'est pas l'appui pris sur la réalité qui vous aide à percevoir de quoi il s'agit. Et à ce moment-là, on est bien obligé, et c'est ça que je voudrais essayer de vous faire sentir dans le cours de cet exposé, on est bien obligé d'en venir à des notions qui sont très ressemblantes à celles dont parle Lacan, c'est-à-dire au fond de s'interroger au régime de la parole de cette personne, de la façon dont elle s'adresse à vous, et à la façon dont, s'adressant à vous, elle convoque un arrière-plan plus ou moins partagé, plus ou moins partageable de choses sur quoi s'appuyer pour pouvoir tenir son discours. Et que l'ordre de la parole est d'un côté et de l'autre une sorte de référence prise hors du rapport du sujet à l'autre semble être dans leur agencement réciproque soumis à des contraintes de structure qu'il s'agit de mettre en évidence et qui sont au fond les seuls éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour dire que quelqu'un est psychotique ou pas. Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, serait-il dans la réalité, complètement dans la réalité, c'est-à-dire tout ce qu'il raconte serait-il vrai, ou bien rien de ce qu'il raconte ne serait-il vrai, on devrait pouvoir, uniquement en s'appuyant sur ce dispositif de la parole et de la modalité d'ancrage de cette parole dans un réel, porter un jugement. Et donc, la réalité apparaît du coup comme quoi ? La réalité apparaît dans ce registre-là comme ce qui s'imaginarise du réel quand on s'y retrouve entre semblables. C'est la définition que je vous en donnerai comme ça. La réalité, au fond, c'est ce qui se passe quand, par exemple, voilà, je vois en face de moi un micro qui m'enregistre. La réalité, sa dimension apparaît dans sa plénitude à partir du moment où je me dis que si je le vois, tout le monde le voit. C'est que s'il est là pour moi, il est là pour tous. Et que, ça c'est une première dimension, et que la deuxième dimension qui nous donne accès à ce que c'est que la dimension de la réalité, c'est que ça va sans dire. Ça va sans dire, c'est que si je commence à en parler, là, tout d'un coup, on pourrait soulever quelque chose comme un doute sceptique. Ah oui, mais peut-être que j'hallucine, peut-être que je crois, etc. Mais la réalité, c'est quelque chose qui va sans dire, qui fait que si moi je le vois, tout autre le voit. Et que, tout simplement, parce qu'on est, des semblables, et que le sens commun qui établit le rapport à la réalité, il puise toute sa force du fait de ne jamais pouvoir être mis en question en tant que tel, puisque c'est précisément parce qu'on le suppose qu'on peut mettre en question ceci ou cela. C'est précisément parce qu'il y a une réalité partagée, ce que phénoménologiquement dans les Paradoxes of Delusion, Louis Sass appelle « the consensual world », qui n'est pas le monde du consensus, mais le monde sur lequel, le monde du sens commun, le monde où ça va sans dire que si moi je le vois, tout le monde le voit. Ou que si je perçois telle chose, tout le monde la perçoit. C'est à ce niveau-là que se fait la relation au fait que l'autre est construit comme moi. Et il est construit comme moi sans que j'ai besoin justement de me le représenter, de le théoriser ou de faire une hypothèse sur ça. La réalité, elle apparaît quand justement je ne fais plus d'hypothèse d'aucune sorte. Enfin, c'est ça qu'on appelle la dimension de la réalité, sur ce qui meuble le monde, les gens, les choses qui étaient dites, le passé, etc., les évidences de cet ordre. Alors, ça se distingue très fortement, cette réalité, d'une double dimension qui ne peut apparaître qu'à partir du moment où l'ordre de la parole est convoqué. Il y a une chose qui ne fait pas partie de la réalité, c'est les objets de la science. Les objets de la science, ça c'est quand même un point qu'il ne faut jamais oublier, un centre de gravité ou une particule, ça ne fait en aucune manière partie de la réalité. C'est justement les choses qui ne vont pas sans dire, c'est les choses dont l'existence peut être mise en doute et pour lesquelles il existe des procédures d'objectivation normées, dans lesquelles l'explicitation, la caractérisation scientifique, les conditions d'objectivité doivent être dénoncées en même temps que le rapport aux choses. Je dirais même d'une certaine manière que le réel objectif de la science, il est inimaginable. C'est ça qui me paraît être il ne va pas sans mettre en question quelque chose du rapport à la réalité. Et jusqu'au point de se demander si ce sont des choses qui existent vraiment ou pas, les particules, les centres de gravité, les molécules, les cellules, etc., les cellules vivantes, les maladies, le cancer, des choses de ce genre, dans la mesure où c'est inimaginable dans la manière même dont ça marche. Et ce qui me paraît extrêmement propre au monde dans lequel on vit, c'est que, et qui certainement a les plus grandes conséquences pour la manière dont les gens sont psychotiques, c'est pas psychotique comme ça, dans d'autres cultures, etc., c'est que la manière de lester la réalité un peu fragile, pour la lester, eh bien nous faisons appel très souvent au réel de la science. C'est-à-dire que là où quelque chose dans la réalité vient à donner des signes d'incertitude, et éventuellement ça peut être le cas dans... Il n'y a pas besoin d'être psychotique pour ça. Hein. Une quantité d'entre nous rencontrent, on partage tous des incertitudes sur la réalité. Le réel de la science vient lester le tissu extrêmement mobile et fragile de la réalité en le maintenant en place à certains endroits avec une force de référence extrêmement importante. Ça, c'est une première dimension du réel. La seconde dimension du réel, c'est aussi quelque chose qui se réfère, encore moins d'ailleurs au symbolique qu'à la parole, c'est quelque chose qui a trait à la jouissance subjective, à la jouissance d'être quelque part, d'une manière extrêmement énigmatique, un corps qui dit « je ». Alors, être un corps qui dit « je », c'est tout à fait opaque, parce que on a cette incertitude radicale chez Lacan, de savoir si la parole, c'est du réel ou si c'est du symbolique. Vous avez les deux extrêmes chez Lacan. Vous avez la dimension de la parole symbolique dans le premier Lacan, celui auquel on attache la question préliminaire au traitement de la psychose. Et puis vous avez, à la fin du parcours de Lacan, une affirmation de la langue, quelque chose qui tient plus du flux de jouissance en quelque sorte, et où le réel de cette donnée de la langue, ce réel qui vient ruisseler dans l'oreille, qui vient s'écouler par des canaux étranges comme ça, est bien distinct, est clairement distinct de tout ce qui serait de l'ordre d'une syntaxe ou d'une mise en ordre du symbolique au sens d'une écriture algébrique par exemple. Hein, bon. Alors cette jouissance d'être un corps qui dit « je », c'est une jouissance qui est à la fois bornée et ouverte par le fait de parler. Le corps qui parle. À la fois de parler, cela borne quelque chose d'une certaine jouissance, et en même temps, ça ouvre le fait de parler sur quelque chose qui est au-delà de la parole et qui est une jouissance dont il ne faut pas dire qu'elle est ineffable, mais simplement une jouissance qui n'est pas bornée par le fait de parler. Et la psychose nous présentifie, je crois, d'une manière, c'est même, je dirais, sa caractéristique la plus sensible, elle nous présentifie quelque chose de la jouissance d'un corps qui dit « je », qui... se laisse très peu border par le langage, voire qui inonde le langage et met le langage au service de toute autre chose que des fonctions de communication, la construction d'un espace commun et la contribution de chacun au maintien de la réalité partagée. Alors ça a une conséquence très importante qui apparaît chez Lacan très progressivement. Il n'avait certainement aucune idée quand il a commencé à travailler là-dessus, mais ça, on peut dire que c'est un peu impliqué analytiquement dans sa conception. C'est qu'il y a éventuellement d'autres nouages possibles du réel, du symbolique et de l'imaginaire que ceux qui produisent l'effet de réalité. C'est-à-dire que ceux qui permettent de produire cette imaginarisation du réel où nous nous retrouvons entre semblables. Et que, effectivement, le réel, le symbolique et l'imaginaire peuvent s'articuler ensemble pour produire ce plan de la réalité. C'est même, je dirais, la leçon essentielle du schéma R et du schéma I, la construction de ce plan de la réalité partagé entre semblables. Mais que la topologie même auquel fait référence progressivement à Lacan indique qu'il pourrait y avoir d'autres modes de coordination du réel, du symbolique et de l'imaginaire qui n'en seraient pas moins humains, qui ne feraient pas moins appel à des corps humains, à des jouissances, à des paroles, etc., mais dont l'agencement autrement artificiel, autrement artificialisé, produirait dans leur intersection autre chose que la réalité. Je trouve que là, il y a une sorte de déplacement extrêmement vertigineux, qui est la condition sine qua non pour qu'on puisse appréhender le propos psychotique comme autre chose que déficitaire par rapport à la réalité. Dès le moment où vous disposez des catégories qui permettent de penser comment est produit très généralement cet effet de réalité, qui n'est pas un effet normal, c'est-à-dire que c'est parce qu'il y a ce plan de réalité qu'à l'intérieur de ce plan de réalité, nous considérons que c'est la réalité universelle, celle de tous les hommes, des gens normaux, des névrosés, de tout ce que vous voulez. C'est pas du tout parce qu'il serait intrinsèquement normal, c'est parce que la normalité est définie à l'intérieur des évidences de ce plan de réalité. Dès le moment où vous arrivez à concevoir un agencement de RSI qui ne serait pas celui qui produit cet effet de réalité, alors vous pouvez tout à fait imaginer que des êtres humains aient à faire non pas une néo-réalité ou une pseudo-réalité, etc., mais autre chose que la réalité. Ce qu'on appelle la réalité avec ses effets normatifs d'être collectivement partagé et qui cependant ne resterait pas moins humain. C'est ce que je vous dis là, c'est au fond, en clinique, surtout ceux d'entre vous qui s'intéressent à la clinique des psychoses et à la psychanalyse avec les psychotiques, c'est la condition sine qua non du travail avec les psychotiques. C'est-à-dire d'acquérir une forme de une manière de dire des choses qui fasse place à cette étrange possibilité d'un autre nuage de RSI qui ne produirait pas ce qu'on appelle un rapport à la réalité partagée. Moyennant quoi, nous ne serions pas, et pour des raisons fondamentales, des raisons radicales, des gens qui normalisent qui que ce soit, mais nous serions sensibles à la dimension d'artifice et à la variété du semblant qu'on appelle la réalité, et ça pourrait, par exemple, avoir des conséquences dans la manière dont on traite, en tous les sens du terme, les gens qu'on appelle des psychotiques. Alors, je dis cela parce que lorsque nous avons reçu Catherine P. Deux fois, on l'a examinée soigneusement, très longuement, deux fois, et j'avais repéré que c'était la même patiente qu'il y a deux ans, mais Jean-Jacques Tissler, non, c'est après la présentation qu'il s'est rappelé qu'il l'avait déjà vue. Il s'agit bien évidemment de quelqu'un dont le moins qu'on puisse dire, c'est que non seulement elle vit en dehors de la réalité, mais que vous avez beaucoup de mal à attraper quelle est la réalité à l'intérieur duquel elle n'a jamais pu vivre. Tellement tout semble dans l'économie de son propos, dans la façon dont elle se présente, dans les souffrances dont elle fait état, tout se présente d'une manière complètement bouleversante et inquiétante. En même temps, En même temps, c'est précisément toujours devant ce type de patients qui sont très faciles à étiqueter, schizophrènes, se chronicisant, c'est-à-dire attrapés dans le registre, là, les gens, voilà, ils sont confrontés à la perte de la réalité, on rate la manière très particulière dont ils accrochent les uns avec les autres les wagons du réel, du symbolique et de l'imaginaire, et dont ils fabriquent quelque chose avec tout ça qui ne produit pas des effets de réalité partagés avec les gens avec qui on parle, mais qui néanmoins leur assure, par certains aspects, une forme de consistance qui est surprenante, qui est très surprenante. Alors, un autre facteur joue, qui est platement contre-transférentiel, c'est que vous allez voir que le genre de consistance qu'elle se donne, il vaut mieux pas se trouver dans le champ de la manière dont elle s'arrive, semblable, hein, cet espace-là. Elle se retrouve très rapidement avec un procès aux fesses. Bon, mais bon, c'est pas des choses comme ça. Alors, ce qui nous m'a beaucoup frappé quand j'ai repris. C'est une patiente que nous avons vue en 2009, qu'on a vue il y a quelques semaines donc à Villévrard, la présentation de malade, c'est que beaucoup de choses qu'elle disait en 2009 et que nous tenions pour réelles de manière à nous faire une idée de ce qui était du délire, se retrouvent en 2011 du côté du délire, et que ce qu'on avait pris pour du délire est en réalité parfaitement vrai, et que c'était ça qui expliquait une sorte d'inversion tout à fait systématique. Ce qui n'empêche pas qu'au bout du compte, nous n'avons pas la moindre idée de ce qui s'est réellement passé dans la vie de cette femme, et que tous les médecins qui se sont succédés ont chacun raconté des histoires. Alors, à l'infirmerie spéciale du dépôt, dans différents hôpitaux, elle a été soignée, y compris les médecins qui sont occupés de ces problèmes somatiques très complexes, vous allez voir. Chacun d'entre eux s'est fait raconter des histoires tout à fait étonnantes. En 2009, ça avait été pour moi l'occasion de réfléchir à ce qu'on avait vu sur ce qu'on appelle un délire d'imagination, une mythomanie au sens de Dupré, sur ce phénomène qui est un phénomène dont je ne suis pas sûr qu'il se soit effectivement, soit exactement quelque chose de ce genre-là, qu'on appelle la confabulation. La confabulation, dans la psychiatrie classique, la confabulation, c'est une production extemporale dans laquelle le délire des gens s'organise au fur et à mesure qu'ils parlent, avec un effet de transformation, de plasticité absolument permanente, et où on vous raconte des tas de choses, et des tas de trucs, et des tas de machins, etc., qui deviennent alors soit fantastiques, n'est-ce pas, ça prend des proportions absolument cosmiques, et en général qui relèvent de ce qu'on appelle la paraphrénie, hein, dans la terminologie kréplinienne. C'est souvent, enfin pas souvent, c'est assez régulièrement le destin de certaines paranoïas qui vieillissantes, n'est-ce pas ? L'histoire devient complètement un mythe, de plus en plus abracadabrant, mais qui est raconté avec une certaine forme de jovialité, ce qu'on appelle la paraphrénie expansive, et ou bien avec, en prenant des dimensions cosmiques, ce qu'on appelle la paraphrénie fantastique. Alors, le problème de cette confabulation, c'est que quand vous l'écoutez dans le régime de la parole ordinaire, de la parole des gens qui parlent de la réalité, elle vous désarçonne complètement, parce que la façon dont on écoute quelqu'un parler, c'est bien évidemment qu'on entend parler des choses dont il parle, hein, et qu'il y a construction, il y a une convocation constante quand on parle avec quelqu'un de l'horizon, de ce qui peut se passer dans une vie humaine, de ce qui va s'en dire, etc., de cet horizon d'évidence qui est à l'arrière-plan, mais qui est en même temps extrêmement directement présent, et qui fait qu'on est dans la réalité. Et puis au bout de la cinquième phrase, ça commence à prendre des proportions complètement aberrantes, sans que le sujet à aucun moment cesse de produire au fur et à mesure, comme si les idées lui venaient comme ça, comme des bulles qui éclatent là, comme ça dans son esprit, des histoires de plus en plus étranges et absurdes. Au point que un vrai confabulant Vous pouvez parler 2 heures avec lui, vous n'avez strictement pas la moindre idée de ce qu'il a fait 5 minutes avant de vous voir. Ça peut être absolument n'importe quoi. C'est un usage de la parole entièrement déconnecté de toute référence à cette réalité qui dure et qui perdure. Alors, j'avais beaucoup insisté lors de la première fois qu'on l'avait vu sur une propriété. Vous voyez, on est inéluctablement conduit, si on renonce à la notion de perte de la réalité, à s'intéresser aux propriétés formelles du discours des gens. C'est la seule chose sur laquelle on puisse faire fond pour attraper ce dont il est question avec eux, c'est les propriétés formelles du discours des gens. Et que l'idée de renoncer à une vision phénoménologique et à une tentative de comprendre comment la réalité est altérée dans la psychose, elle ne trouve son achèvement que dans la renonciation la plus totale à parler de la réalité, c'est-à-dire d'accompagner le psychotique dans le fait que la réalité, il nous signifie qu'elle n'est pas ce qui est en jeu dans sa condition, pour l'accompagner dans l'étrangeté de son propos. Il y avait une propriété très facile à mettre en évidence dans les propos de Catherine P. C'était, en 2009, une manipulation des énoncés qui introduisait un trouble très particulier des marques du sujet d'énonciation dans son propos. Et alors, ça se manifestait de deux manières. Une manière très impressionnante qui était d'échouer à manipuler le style indirect libre, d'une part, et d'autre part, les marques les plus difficiles, les plus frappantes de cet échec à manipuler le style indirect libre, c'était le fait qu'elle se situait comme locutrice de son propos dans des temps absolument impossibles et qui produisaient des énoncés dans lesquels on n'arrivait pas à comprendre comment elle construisait sa propre référence à elle-même comme l'objet dont elle parlait dans son propos. Je vous en donne une illustration qui était la plus spectaculaire. Il y avait un délire dont on n'a évidemment jamais su si c'était vrai, faux, réel, pas réel, qui tournait autour de l'idée de la mort d'une sœur dont le décès aurait été daté d'avant la conception, par définition, mais surtout la naissance de Catherine P. Et événement qu'elle décrivait, en employant cette formule stupéfiante, « ils m'ont refaite tout de suite ». Réfléchissez 5 secondes, n'est-ce pas ? « Ils m'ont refaite tout de suite ». Le M apostrophe, la marque du sujet d'énonciation, ce qui permet de repérer quel est le sujet de l'énonciation, ne peut par définition pas, semble-t-il, dans le monde de la réalité, avoir été présent. On ne peut pas commencer par être fait, d'une certaine manière. Il faut d'abord qu'on vous fasse. C'est pas « on m'a fait à la place de la précédente », c'est « ils m'ont refait tout de suite », c'est-à-dire que j'étais déjà morte, j'ai commencé par être morte, et que comme ils n'ont pas réussi à se faire à l'idée que j'étais morte, eh ben, ils m'ont fait ensuite. Sauf que le M apostrophe indique que le lieu où s'ancre le sujet d'énonciation, c'est pas dans le bébé qui naît au rang 2, c'est dans le bébé qui naît au rang 1. Ils m'ont refaite tout de suite. Il y a une sorte comme ça de bizarrerie logique dans le refaire et la désignation du apostrophe qui pointe le sujet d'énonciation. Et alors ça venait au bout de perturbations que les gens qui font des sciences cognitives ont largement repérées dans le discours schizophrénique, et qui ici présentait une certaine finesse, parce que c'était pas quelqu'un qui fait qui a un trouble du cours de la pensée tel que la syntaxe de son propos se disloque. Hein. C'est quelqu'un qui était capable de raconter justement une fabulation extemporanée, assez continue et assez cousue, au point même de nous inquiéter. Hein. C'est-à-dire qu'elle racontait des histoires qui étaient vachement plausibles, sauf que c'est exactement l'inverse de ce qu'elle avait raconté 2 ans avant. Et qui se manifestait par ceci. Vous savez que le style indirect libre, une des manières dont on le voyait fonctionner de manière étrange dans son propos, c'était le fait qu'elle rapportait des événements sur son enfance sur le mode de « on m'a dit que ». On m'a dit que... on m'a dit qu'à ma naissance, il s'était passé telle et telle chose, par exemple. Et le « on m'a dit que », vous savez, si vous lisez par exemple Flaubert, qui est un des grands artistes du style indirect libre, au bout d'un certain temps, vous enlevez le « que ». On m'a dit à ma naissance que j'étais ceci, que, etc. Et puis, vous arrêtez la phrase, et puis vous allez continuer en disant « j'étais ceci, je faisais cela », et il faut que la personne à qui vous parlez conserve à l'idée que tout ça est préfixé par « on m'a dit que ». Sauf que ça disparaît, le « on m'a dit que », et que vous parlez en créant quelque chose qui est extrêmement important et qui est le principe de la connivence romanesque, notamment chez Flaubert, c'est que vous créez la connivence quand nous utilisons ordinairement le style indirect libre. L'autre sait que vous êtes en train de parler de quelque chose qu'on vous a raconté et dont vous ne pouvez pas avoir été ni l'acteur, ni le témoin, etc. Ça suppose un certain usage de l'imparfait, des altérations assez particulières de la concordance des temps, qui sont des traces très lointaines du fait que la position énonciative est modifiée par l'usage du style indirect libre. Ce qui est extrêmement troublant dans le propos qui l'amenait à des actes, ils m'ont refait tout de suite, c'est que c'était des phrases qui émergeaient au bout d'un certain temps de ce style indirect libre, parce qu'elles devenaient incapables, par rapport à ce qu'on lui avait dit, de distinguer ce qu'on lui avait dit de ce qu'elle vivait, sa mémoire des événements dont elle avait été personnellement témoin, et par une altération de la structure énonciative de son propos, elle en venait justement à se situer dans des temps antérieurs à celui de sa naissance, non pas comme vous pourriez accepter une phrase du type « ils m'ont refait tout de suite », on pourrait très très bien tout, c'est pas il ne faut pas avoir le cerveau cramé pour dire ils m'ont fait tout de suite. Vous allez sourire et vous allez corriger par vous-même en quelque sorte, hein, c'est-à-dire ouais, c'est qu'il y a quelqu'un qui y a un bébé qui était mort et puis on t'a refait juste après, quoi, hein, c'est ça que vous allez corriger. Sauf que dans le propos de la patiente, on ne pouvait plus corriger parce que les choses s'étaient détachées par une dérive progressive et que la position énonciative n'était plus tenue. Alors ce qui était, par exemple, elle disait, son père, disait-il, aurait voulu un garçon, donc elle évoquait ce bébé mort avant. On ne savait plus quand elle disait, après avoir dit « ils m'ont refait tout de suite », et qu'elle parlait de son père qui aurait voulu un garçon, ou disait-elle à défaut un enfant idéal, ou à défaut un enfant idéal. Quel était le référent de un enfant idéal ou un garçon? Était-ce elle, née en second, ou le bébé supposément mort avant elle? Bien plus, on finissait par s'apercevoir qu'il n'y avait peut-être pas du tout de bébé qui était mort avant elle, mais qu'elle utilisait éventuellement des événements qui peut-être s'étaient produits ou peut-être ne s'était pas produit, pour faire valoir quelque chose comme une désorganisation, une réorganisation paradoxale de la manière dont elle se situait dans la chaîne temporelle, dans l'organisation progressive de sa parole. Au point que, vous allez voir, il y a des choses qu'elle raconte en 2011, où on n'arrive plus trop à savoir, au fond, si vraiment il y a eu un bébé qui était mort avant, etc., ce qu'elle aurait pu en savoir, comment elle aurait pu le prendre, etc. Mais ce qui était totalement certain, c'est qu'elle s'identifiait à quelque chose qui avait été refait à l'origine. Ils m'ont refait tout de suite. Alors, est-ce que ça, c'est un déficit? Dans les conceptions très positivistes, hein, très objectivistes qu'on a, notamment quand on fait des neurosciences, la neuropsychiatrie contemporaine, les neurosciences psychiatriques, les gens qui travaillent sur les troubles du langage chez les schizophrènes ont très bien repéré ces phénomènes. Ils l'ont repéré sous des formes un peu plus grossières, qui est le fait que quand on fait un test de langage avec des patients schizophrènes, dans lequel il faut ancrer l'anaphore, c'est-à-dire Pierre est allé à la pêche, il a attrapé des poissons, il les a ramenés chez lui. Lui, c'est qui? Alors le schizophrène met en général 40 secondes à se rappeler que c'est Pierre, et si vous avez intercalé chez le poisson, il est capable. C'est-à-dire que un schizophrène serait quelqu'un qui aurait un trouble dans la réidentification lors de l'anaphore, et que si l'ancrage Pierre est trop loin pour lui, il aurait des difficultés cognitives à suivre sur de longues périodes, comme ça, de longs développements de phrases, que c'est toujours de Pierre dont il s'agit, et que lui, c'est le Pierre, et non pas le poisson, par exemple. Parce que c'est le mot qui apparaît le plus près. Le problème de ces choses-là, c'est que on ne sait pas si c'est parce que c'est une carence ou si c'est parce que le mode d'organisation propre aux propos schizophréniques est différent. Et là, c'est une forme également très particulière, plus subtile, non pas d'anaphore, mais de maintien de l'ancrage énonciatif dans le style indirect libre, maintien du « on m'a dit que », c'est des propos qui m'ont été rapportés, qui fait qu'au bon, au lieu d'être des propos qui ont été, c'est des propos qu'elle pense elle-même, puisqu'ils lui sont présents à l'esprit et qu'elle prend pour ses propres propos. Comme si le message qui vient de l'autre lui arrivait non pas de manière indirecte, au style indirect libre, mais de manière directe, comme ce qu'elle était en train justement d'énoncer. Alors, dans l'histoire de Catherine P., le propos qu'elle va tenir, qui vous allez voir est un propos pseudo-hypochondriaque, est, me semble-t-il, à interpréter non pas du tout comme quelque chose de carencé, des sortes de substituts, de prothèses imaginaires, quelque chose qui dysfonctionne au niveau du langage, mais comme son moyen, gravement bricolé, mais qui la maintient à flot sous la forme de ce qu'elle est, son corps, de nouer ensemble son corps, une certaine sexualité, une forme d'identité idéale, et qui la permet de se construire une position qui est tout simplement la suivante, celle d'objet du dire de l'autre qui la soigne. C'est la petite niche qu'elle s'est ménagée dans le monde, voilà, c'est d'être l'objet du dire de l'autre qui la soigne. Alors, je vais vous raconter un petit peu comment s'est passé le deuxième entretien et pourquoi cet entretien nous a mis dans une grande difficulté, parce qu'il semble nouer des dimensions que la clinique traditionnelle, la psychiatrie clinique traditionnelle, tient pour relativement hétérogène et impossible à mélanger. D'un côté, vous avez une dimension pseudo-hypochondriaque, enfin avec une dimension d'hypochondrie, une plainte sur, qui n'est pas exactement une plainte, mais enfin en tout cas une mention des souffrances du corps, des innombrables maladies dont elle est affligée, qui par moments borde la paranoïa quérulente, hein, c'est-à-dire qu'elle ne supporte pas qu'on la qualifie de simulatrice, de menteuse, de manipulatrice, ça c'est totalement intolérable, elle se balade avec ses certificats pour montrer qu'elle ne voit pas, elle ne peut pas bouger, elle a droit à un fauteuil roulant, etc., etc. Alors que quand vous la voyez évoluer, etc., elle lit, elle parle, hein, ce qui, elle voit, pose un certain nombre de problèmes. Et puis d'un autre côté, vous avez l'impression de quelque chose qui n'est pas du tout aussi construit que la quérulence paranoïaque, mais qui est quelque chose de très étrange, de très désorganisé, hein. Un délire d'imagination extravagant, avec des espèces de maladies impossibles qui s'accumulent, s'empilent, deviennent le support d'une élaboration fantastique, complètement étrange, qui change à chaque fois, hein, d'après les médecins qui l'ont vu plusieurs fois. Alors, ce qui rend ces séries particulièrement troublantes, c'est qu'en 2009, il y a 2 ans, on s'était déjà posé la question. Elle développait très clairement un délire de nature paranoïaque. Elle avait découvert le réseau des fournisseurs de cocaïne de Sarkozy, ce qui lui avait valu d'être violée. Et comme il n'y avait aucune trace des viols et que sa compagne, puisqu'elle vivait dans un couple lesbien, etc., sa compagne disait « Bon, ben, si tu dis que t'as été violée, t'as été violée. Hein, la compagne, elle était pas... Elle était commode, hein, la compagne, etc. » Enfin, elle ne venait pas valider et soutenir le fait qu'il y avait eu viol, parce qu'elle avait mis... Elle avait découvert dans l'immeuble d'en face, avec les voix, les va-et-vient des gens... Les fourvoyeurs de cocaïne de Sarkozy. Bon, donc d'un côté, un truc super persécutif, gravissime, avec des retrouvés, rentes nues dans la rue, traqués par les voyous, etc. Bon, une situation assez classique de délire de la persécution. Et puis de l'autre, une incapacité de justement de maintenir dans son énoncé la co-référence quand elle parlait de ses persécuteurs. Ils font ceci, ils font cela, etc. Et puis au bout d'un certain temps, les « ils » se perdaient dans une indétermination qui était une indétermination portant sur la texture grammaticale. Et on ne voyait plus du tout de qui elle parlait, tellement ses persécuteurs étaient mal ancrés dans le propos qu'ils rapportaient leur présence. Et on voyait émerger des plaques de discours tout faits, ce qui m'a permis, avec un ravissement extraordinaire, de découvrir les chansons de Mylène Farmer, qui font pas partie de ma culture de base, parce qu'il y en avait comme ça des pans entiers, n'est-ce pas ? Et on remercie Google. Google est devenu, franchement, je crois, l'instrument indispensable du déchiffrement de la schizophrénie, parce que vous rentrez des phrases des patients schizophrènes, et pof, vous les voyez sortir d'une chanson de Mylène Farmer. Et ce qui est... Vous voyez, c'est curieux pourquoi elle dit les choses comme ça. Alors vous mettez sur Google et ça vous sort une chanson, voilà, comme ça. Alors j'ai appris ensuite toute la vie de Mylène Farmer et tout ce que ça pouvait évidemment signifier pour cette femme qui vivait en couple lesbien, etc. Mais ça fonctionnait comme des espèces de plaques comme ça, complètement désajointées, émergeant comme des morceaux d'une banquise cassée, si vous voulez, une sorte de banquise au moment de la débâcle, où l'espace de 15 secondes. Vous respirez, n'est-ce pas, parce qu'il y a des phrases qui se tiennent. Voilà. Et ensuite, ça se casse. Mais quand vous mettez la phrase qui se tient dans l'ordinateur, il vous sort quelque chose, vous en faites un morceau de dire tout fait. Voilà. Alors, c'est aussi intéressant pour l'analyste, n'est-ce pas ? Ça veut dire qu'effectivement, il y a un traitement robotisé, hein, du signifiant, hein, qui est en dehors duquel nous n'avons pas accès à ce que c'est que ces plaques de sens qui nous semblent être de la normalité. Oui, c'est des phrases éventuellement absolument toutes faites et qui fonctionneraient à la limite comme dans un rêve, quand vous avez l'impression qu'il y a dans un rêve quelque chose qui a complètement du sens, un raisonnement, etc. Ce qui compte, ce n'est pas le raisonnement, c'est ce dont le raisonnement est extrait. Le raisonnement lui-même n'a aucune espèce de valeur. C'est un morceau de raisonnement qui a une fonction à l'intérieur du rêve et qui est un objet du travail du rêve et non un sens propre qu'il y aurait dans le rêve, par exemple. On sait bien combien ça nous est difficile dans l'interprétation des rêves de justement ne pas écouter le raisonnement ou le propos plein de sens, mais de le traiter comme un texte écrit ou un morceau de signifiant qui se balade et où ce qui compte, c'est pas ce qu'il dit, mais sa fonction par rapport aux autres, dans un délire où c'est le langage ordinaire qui est impliqué, vous pouvez être confronté à cette situation stupéfiante, n'est-ce pas, d'avoir recours à Google pour identifier d'où viennent les morceaux des mots que les patients vous racontent. Alors, ce qu'il a fallu une deuxième fois remettre sur le tapis, ben c'est justement comment, d'un côté, un imaginaire paranoïaque, ou ici, pseudo-hypochondriaque, s'articule à un traitement du langage qui est en fait un traitement du langage où c'est le réel de ces blocs de signifiants pris comme des espèces d'agglutination particulière qui fonctionnent. C'est-à-dire de trouver comment fait le sujet pour faire son trou dans le langage et dans l'autre et comment elle réussit à tresser ensemble ces différentes séries en sorte que ça la fasse consister d'une certaine manière, mais d'une manière qui, comme vous voyez, n'a rien à voir avec la production de ce qu'on appelle la réalité. Pas du tout parce qu'elle manque. Elle a donc parfaitement raison de dire « je ne suis pas une simulatrice » et le premier qui m'accuse d'être une simulatrice, je lui colle un procès au cul. C'est parce que ce qu'elle fait valoir, l'effet de sa consistance, ça n'est pas la participation à la réalité consensuelle. Alors, l'entretien, instantanément, j'ai reconnu la patiente, parce qu'elle se trouve être la victime d'un syndrome génétique rare, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos, la maladie d'Ehlers-Danlos. Et qu'effectivement, c'est une maladie génétique rare. Il y a 1000 personnes, en gros, en France, qui ont cette maladie. C'est une maladie de la gène qui code pour le collagène et qui se traduit, alors, vous allez voir, ça se traduit par toutes sortes de symptômes extrêmement bizarres, dont des problèmes de peau extrêmement graves, une peau qui fait des bleus très très facilement, et une hyperlaxité articulatoire qui fait que les gens peuvent très facilement se démettre les doigts, les jambes, les bras, etc. Donc cette maladie d'Ehlers-Danlos, elle se présente comme « je suis un Ehlers-Danlos ». Et devant les yeux évidemment en bille de Jean-Jacques Tisler, elle le regarde et lui dit « j'ai des référents médicaux dont je suis l'objet ». Alors, au début, vous voyez, on s'assoit, on écoute, qu'est-ce qu'elle va raconter? On se met dans une perspective de narration en oubliant que les premiers mots, avant même que vous ayez amorcé, elle n'est pas dans le même rapport au langage que nous. C'est-à-dire que d'entrée de jeu, tout est sur la table dans son côté le plus abrupt, n'est-ce pas? Et c'est exactement ça qui va guider toute la suite de l'entretien. J'ai des référents médicaux dont je suis l'objet. Alors, on voit ce qu'elle veut dire. On voit qu'effectivement, si on l'accuse de ne pas être objectivement ce qu'elle est, elle va vous sortir les certificats et vous donner les professeurs. Alors, effectivement, j'ai été chercher les dossiers, j'ai regardé, fait professeur à Monet, Henri Mondor, un des spécialistes de l'Ehlers-Danlos, qui lui a diagnostiqué son Ehlers-Danlos, qui a fait un caryotype. Alors ça repose, je ne sais plus exactement, je crois que c'est sur les délétions, etc. Cette structure, ce que je vous propose de bien considérer, j'ai des référents médicaux dont je suis l'objet, pour bien en comprendre la fonction chez une personne comme elle, je la mettrais volontiers en parallèle avec l'énoncé qui résume le délire du président Schreber, qui consiste à dire « je suis la femme qui manque à Dieu ». À partir du moment où vous avez comme ça ce dispositif « je suis la femme qui manque à Dieu », vous avez ancré une position d'où dire « je », une place de l'objet qui dit cela dans le champ de la réalité, et un autre par rapport auquel cet objet qui dit « je » et qui prononce cette phrase-là voit la vérité et la signifie, ou du moins la signifie, le sens de ce qu'il dit garanti. Je suis la femme qui manque à Dieu. À partir de ça, voilà, tout un espace se déploie de Dieu. Dieu a me fécondé, je vais régénérer l'humanité, je porte en moi de quoi remplacer les hommes qui manquent, Dieu est dans une situation de carence, c'est moi qui lui apporte ce qui lui manque, etc. etc. Bon, à partir de ça, vous avez en quelque sorte une sorte de cellule, de motif élémentaire qui se reproduit et qui permet de construire la totalité du délire. J'ai des référents médicaux dont je suis l'objet, joue mutatis mutandis le même rôle dans le propos de cette patiente. C'est par là, en quelque sorte, qu'elle fait son trou dans l'autre, puisque ce référent médical, c'est cet autre soignant qu'elle met en échec. C'est ça le point qui est tout à fait essentiel. L'articulation jeu-objet-autre, ça consiste à essayer de fabriquer un dispositif où l'autre est mis en échec par l'existence du sujet. Donc la position qui est la sienne, comme Dieu, pas comme Schreber, qui manque à Dieu, qui est la femme qui manque à Dieu, c'est comme femme qui manque à Dieu, en tant que femme, ici, c'est en tant que malade totalement énigmatique qui met l'autre qui la soigne et qui lui fixe sa position d'objet en échec. Donc à la fois, cet autre est garant de la position de la patiente et en même temps, il est un garant qui est un garant embarrassé par l'objet qu'il a à charge et qui, par là même, ne peut plus, il ne peut pas s'en débarrasser, et personne ne sait au juste ce qu'elle a et comment les choses peuvent se passer. Un des éléments transférentiels les plus frappants quand vous êtes confronté à ce type de discours, c'est que qu'est-ce que j'ai fait, moi ? Moi, je vais voir le dossier, hein. Je vais dire, je vais voir les référents médicaux, c'est-à-dire si on me dit ça, je vais voir. Donc c'est comme ça que j'ai découvert qu'elle était soignée par le professeur Amonet, Henri Mondor, etc. J'ai regardé les examens biologiques. Et elle se présente comme ayant une liste de maladies complètement extraordinaires. Qu'est-ce qu'on fait ? Dupe jusqu'au bout du patient, vous allez voir ce qu'il y a. Vous allez vérifier, vous allez avérer si dans la réalité, cette patiente a bien ce qu'elle a. Et effectivement, elle a un élève dans l'os, une laxité articulatoire, des problèmes de peau, des fatigues, des douleurs extrêmement variées, etc. Et alors, elle va se mettre à raconter des choses de plus en plus extravagantes sur ses parents. Est-ce que c'est mon père, ma mère, etc., avec quelque chose qui lui a transmis sa maladie, et donc on discute. Et après qu'elle soit sortie, on se tape sur les cuisses en se disant c'est impossible que les deux parents aient une maladie aussi rare et la lui ait transmise, etc. Sauf que, si vous allez voir Wikipédia, elle a l'air dans le boss. On vous explique justement que c'est une maladie autosome récessive et que si le fait est qu'il suffit qu'un des allèles mutants se trouve sur le gène qui va... Donc c'est pas sur un gène, c'est pas sur des chromosomes sexuels, c'est sur un chromosome non sexuel, mais que si effectivement un seul allèle suffit et qu'il faut qu'il y ait au moins un parent atteint, rien n'exclut que vous puissiez avoir les deux allèles mutants. Que donc, ce que nous avons considéré comme délirant, comme étant, n'est-ce pas, ça montre bien que son allèle dans l'os, il est tout bizarre, puisque effectivement, non seulement c'est avéré par le diagnostic du grand professeur qui a fait examiner le karyotype de la patiente, mais en plus de ça, la patiente pourrait très très bien avoir ses deux parents qui étaient inégalement atteints et qu'on lui a expliqué et que ça a probablement créé un problème puisque les parents savaient qu'ils étaient, semble-t-il, d'après ce qu'elle raconte, atteints d'une maladie génétique. Alors la chose se complique ensuite par le fait qu'elle nous raconte qu'elle ne voit pas. Alors évidemment, quand vous voyez quelqu'un qui arrive... Moi, j'étais dans le couloir du service un petit peu avant. La personne qui voit pas, je la vois écrire des acrostiches sur le nom du chef de service, regarder dehors, serrer la main des gens et suivre son entretien en regardant dans les yeux et en regardant à gauche et à droite qui regardait la patiente. Bon. Et donc, elle dit, j'ai une rétinite pigmentaire qui est... à nouveau une mutation génétique. On dirait que ça en fait beaucoup des mutations génétiques hein, pour une malade. Et que donc, cette personne, elle n'est pas plus aveugle que vous et moi, et elle voyait parfaitement bien. Je consulte le dossier et je découvre un examen ophtalmologique établissant que cette personne a une vision en tunnel, qu'elle a une rétinite pigmentaire, qui est une dégénérescence des bâtonnets, et que cette vision en tunnel lui donne droit à ce qu'on appelle la cécité légale. Cette vision en tunnel lui permet effectivement de voir un champ visuel extrêmement réduit. Dans la rétine pigmentaire, c'est le champ visuel central qui se réduit progressivement, qui lui permet parfaitement de regarder dans les yeux quelqu'un, de lire. Ça, c'est tout à fait attesté, ce genre de choses, tout en ayant droit au chien. Et donc, on s'est retrouvé pendant l'entretien, comme ça, à rigoler de cette personne qui, manifestement, est en train de nous faire une paraphrénie confabulante en inventant au fur et à mesure ses maladies, tandis que le réel de la science, de l'objectivation de son état corporel, faisait qu'effectivement, il y avait quelque chose de ce type-là. Bien plus, j'ai découvert que l'air dans l'os, de type 6, pour ne rien vous cacher, était accompagné spécifiquement de troubles visuels très étranges qui pouvaient apparaître et disparaître. Or, cette pauvre femme nous dit « Mais moi, je ne suis pas une simulatrice. Quand je suis allé à Saint-Antoine, mon trouble de la vue a disparu. Et puis, quand je suis sorti de Saint-Antoine, mon trouble de la vue a réapparu. » Ben voyons, pauvre folle. Oui, le problème, c'est que les nerfs dans l'os de type 6 regorgent de situations comme ça. Évidemment, comme il y en a 1000 en France, les nerfs dans l'os, soyez tranquille, vous n'en verrez plus jamais, je vous garantis que je ne parlerai plus jamais des nerfs dans l'os, ça me paraîtrait extraordinaire. Alors, tout ça a été garanti par l'ophtalmologiste de la Sécurité sociale, commis par une expertise pour signer des papiers, etc. Et donc, c'est comme son diabète. Alors, son diabète, c'est plus facile à établir, parce que le diabète, ça, les infirmières font une prise de sang, on a plus de choses comme ça. Alors, ce qui m'a paru extrêmement curieux, c'est que tout cela est toujours un mélange de réel organique, ça c'est sûr, mais dans une ambiance qui est tout à fait délirante. Parce que qu'est-ce qu'il y avait dans les rapports du professeur Amonet d'Henri Mondor? C'est que le professeur Amonet avait noté « La patiente idéalise de façon extraordinaire le professeur Amonet et a d'ailleurs déclenché une érotomanie sur sa secrétaire pendant qu'elle était soignée dans le service. » Donc, vous voyez, tout d'un coup, une sorte d'entrelacement complètement invraisemblable d'un réel de la science dont elle se sert pour lester rapport à la réalité, hein. J'ai des référents médicaux, tandis que voilà, son regard tombe sur la secrétaire du professeur machin chose, et pof, ça ne manque pas, fixation érotomaniaque. Alors, à mesure qu'on l'interrogeait, on avait l'impression troublante qu'elle multipliait des noms et des maladies qui étaient totalement impossibles. C'est pas une production extravagante, des malformations cardiaques, hein. C'est peut-être parce qu'elle avait dû lire quelque part que le LR dans l'os, il y a effectivement dans un certain type d'LR dans l'os un prolapsus de la valve mitrale qui est bien attesté, recensé dans cette population. Ils ne sont pas nombreux, alors évidemment ils ont été scannés sous toutes les coutures jusqu'à ce qu'on leur trouve des anomalies. Hein, c'est ces maladies génétiques, le problème c'est de comprendre ce que le gène modifie. En général, le gène ne modifie pas un seul truc, il modifie toute une famille de trucs, et c'est comme ça qu'on réussit à essayer d'identifier le locus où il y a une délésion, ou quelque chose de ce genre. Bon, donc ils ont trouvé des prolapsus de la valve mitrale, elle venait d'apprendre la veille qu'elle avait un cancer de l'utérus. Et alors, elle continue en disant « ça paraît énorme, mais je vis avec depuis que je suis né. Des cancers du cerveau, des hémiplégies, etc. » Alors, si j'ai parlé tout à l'heure de pseudo-hypochondrie, c'est que vous n'avez là aucun énoncé de type inquiet. C'est pas une inquiétude. C'est pas est-ce que j'aurais pas par hasard un cancer de l'utérus, du col de l'utérus, est-ce que j'aurais pas par hasard. Non. Il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas d'angoisse. C'est vraiment la production d'un discours qui se loge dans le fait qu'elle est l'objet des référents médicaux. Elle est accrochée ici, elle se fait son trou dans l'autre, comme cet objet réel, morbide, qu'elle est sincèrement, en toute vérité. Hein. « Je suis quelqu'un de franc », disait-elle dans l'entretien, « et on me prend pour une simulatrice. » Et cette formule extraordinaire, ça paraît énorme, mais je vis avec depuis que je suis né. Cancer du cerveau, hémiplégie, c'est... Me rappelait un énoncé paradoxal qu'elle avait prononcé 2 ans auparavant. On m'a battu depuis que je suis né. Écoutez bien comment une phrase comme ça résonne. On m'a battu depuis que je suis né. Comme elle le prononce, c'est une chose qui est difficile parce que il faudrait l'entendre, la voir. Elle le prononce comme si elle était là, non pas en train de rapporter un propos qu'on a tenu sur elle quand elle est à son propos, en racontant ce qu'elle était quand elle était nourrisson, mais véritablement comme le témoin du fait que elle est là, bébé, elle, bébé, et on la bat. Hein, vous voyez, au sens où ce qu'elle est en train de rapporter, c'est une expérience dont elle n'est pas le bébé qui ne peut rien en savoir, mais celui qui, en parlant, décrit la vérité de ce qui s'est passé pour elle. Vous voyez, on m'a battu depuis que je suis née. Et ça paraît énorme, mais je vis avec depuis que je suis née, doit s'entendre, et s'entendait d'ailleurs. Moi, je notais la phrase comme étant un peu quand même extrêmement curieuse. Cancer du cerveau, hémiplégie, elle s'auto-diagnostique comme un objet pour des référents médicaux depuis qu'elle a commencé à exister comme objet, et non pas comme sujet, comme objet en ce monde. Alors, elle ne comprend pas très bien les médecins sceptiques, mais ce qu'elle admet, c'est qu'on puisse s'interroger. Moment de battement que je trouve tout à fait frappant dans son récit, hein, puisqu'on voit bien que le fait qu'elle puisse mettre en difficulté et être un embarras diagnostique pour les médecins, dont elle est en même temps l'objet, c'est ce qui l'a fait exister comme l'objet du référent. Et ce qui est hors de doute, c'est pas du tout qu'elle... Enfin, plus exactement, ce qui est tout à fait réel, c'est qu'elle est malade. Mais ce qui est susceptible d'être remis en cause, c'est la maladie qu'elle peut avoir. Et ça, ce qu'elle admet, c'est qu'il puisse y avoir une hésitation sur la maladie, mais pas sur le fait qu'elle est malade, et en tant que malade, l'objet du soin de ce référent médical. Il lui faut être ce réel qui existe comme une lacune dans le savoir de l'autre, c'est-à-dire dans la jouissance de savoir, c'est la jouissance de l'autre. Alors on se retrouve comme ça devant une personne qui, voilà, cette vision en tunnel, peut-être un lapsus de la balade mitrale, je ne sais quoi, bon... En tout cas, une hyperlaxité, elle aurait même eu, alors ça, on ouvre ses yeux comme des soucoupes, on est perdu, on ne sait pas où est la réalité. Un médecin de la Sécurité sociale lui a carrément donné l'autorisation pour avoir un fauteuil électrique, et elle a vu les services de, vous savez, les inspecteurs de la voie publique qui autorisent les circulations des petites voitures électriques, et tout ça, parce qu'elle a cette hyperlaxité articulaire, des grandes fatigues, elle aurait droit comme ça à un fauteuil. Bon. Et puis on apprend, en passant comme ça, autour de cette question, il l'a vu, que que sa grand-mère maternelle, qui est la seule personne qui se soit véritablement occupée d'elle, s'en soit occupée quand elle était enfant, était devenue aveugle. On ne sait pas si elle est aveugle ou pas, mais toujours est-il qu'elle fait apparaître cette dimension chez la seule personne qui l'a aimée. Alors, vous voyez, quand on entre dans le détail de ce trouble de la vue, est-ce que c'est une vision lésée? Est-ce que c'est un trouble de la mise en fonction pulsionnelle du regard, comme quelque chose qui vient de l'autre, qui est... on me regarde, n'est-ce pas? On a égard à ce que je suis. Est-ce que c'est... ce qui justement fonctionne comme un regard complètement crucifiant qu'elle adresse pendant toute la longueur de l'entretien à Jean-Jacques Tisler, elle darde ses yeux dans ses prunelles comme ça avec une intensité et une fixité tout à fait extraordinaire qui est très troublante. Ce qui donne le sentiment qu'il y a quelque chose de l'ordre de la pulsionnalité qui est en cause là-dedans, c'est qu'elle dit « je suis aveugle, donc il faut m'aider à me laver parce que je ne vois pas et donc je ne peux pas atteindre certaines parties de mon corps. » Voilà. Il y a un aveugle qui ne peut pas se doucher, c'est quand même assez singulier, parce qu'il ne peut pas atteindre certaines parties de son corps. Vous dites que là, Derrière ce propos qu'à un moment vous avez rattaché à un élément de réalité avec le lest, n'est-ce pas, de l'objectivité scientifique, de la vision en tunnel, etc., sur le même plan, elle vous sort qu'il y a des parties de son corps, elle ne les voit pas, donc elle ne peut pas les atteindre. Donc la coordination, vous voyez, du toucher et du voir, qui est une coordination fondamentale hein, en psychanalyse, est chez elle trouée. C'est-à-dire que les mêmes trous qui opèrent dans l'économie pulsionnelle du regard lui rendent inaccessibles des parties entières de son propre corps. Alors, elle mentionne aussi qu'elle a perdu le sens du goût, etc. Alors, ce qui ça devient complètement barré. Ce qui est très troublant dans ce qu'elle nous raconte, c'est qu'à ce moment-là, vous voyez le point d'émergence de la quérulence. Une fois qu'on l'a, évidemment, on devient de plus en plus perplexe hein, à mesure qu'elle se met à parler. C'est que ce qu'elle ne supporte pas, c'est qu'on la traite de menteuse, et ça la rend physiquement violente, qu'on l'accuse de simuler. L'annonce la veille du cancer de l'utérus semble être liée au fait qu'elle a surpris dans le couloir du service une conversation qui ne la concernait pas, où il n'était peut-être même pas question d'ailleurs d'un cancer de qui que ce soit dans le service, mais qu'elle a directement interprété le propos qui flottait dans l'air comme la concernant précisément, et comme le fait qu'on lui ait dit « on va s'occuper de vous après, Madame P, 5 minutes », comme une manière de lui cacher quelque chose dont le contenu ne pouvait être que ce qui la torturait elle-même, qui était l'éventuelle possibilité d'avoir un cancer, ce soir-là, un cancer de l'utérus. Et il n'y a aucun doute qu'elle ne parvienne à rendre du coup les médecins complètement paranoïaques, puisqu'on doit la suspecter, cette pauvre femme, et c'est ce que nous avons fait, d'être une Munchausen. Tout simplement, quelqu'un qui fabrique au fur et à mesure des... Et d'ailleurs, c'est là où vous entendez quelque chose que je trouve vachement frappant, qui est la profonde justesse des paranoïaques. C'est que les paranoïaques vous expliquent que c'est les autres qui les rendent fous. C'est là, elle nous l'a dit, les médecins me rendent folle. Les médecins me rendent folle, ils m'accusent, ils ne cessent de m'accuser. C'est ça, le paranoïaque, hein, n'oubliez jamais que le paranoïaque, c'est quelqu'un qui dit « mais si je suis paranoïaque, c'est parce qu'on me rend paranoïaque. » Vous voyez, c'est moi qu'on... on n'arrête pas de me prêter des intentions, de soupçonner des trucs chez moi, etc. Je commence à en avoir marre. Cette espèce d'inversion. Et en même temps, l'invraisemblance du dispositif est génial. Je vous ai dit qu'elle avait droit à un fauteuil roulant de la sécurité sociale, mais la raison qu'elle donne à ce fauteuil roulant, c'est qu'elle a arrimé vos prothèses, c'est le cas de le dire, eu la moelle épinière sectionnée lors d'une dispute violente avec sa compagne. Alors là, il y a un grand silence, n'est-ce pas ? Elle a eu la moelle épinière sectionnée lors d'une chute. Et elle continue sur le même ton, « Je tiens debout à cause de la volonté. » Alors, tout ça, évidemment, par nos effets oui, de rétroaction, de lecture rétroactive, fait que quelqu'un qui dit ça, vous commencez à douter de tout, y compris de l'air dans le los, qui est la première phrase. C'est-à-dire que si on ne se règle pas sur l'économie du discours psychotique, où au fond, cette rétroaction n'est justement pas ce qui est opératoire, on perd la modalité de construction de ce discours là, qui consiste au contraire à chaque fois à faire émerger des plaques qui tiennent ensemble par un autre nœud, par un autre nouage, un autre enchevêtrement que celui de la rétroaction et de la production d'une subjectivité. Alors l'histoire familiale de Madame P est très différente de celle qui nous a été racontée en 2009. Alors, elle aurait, et son patronyme l'atteste, un père polonais, récemment décédé, qui aurait été homosexuel, et le sort de Madame P aurait été déterminé par le fait qu'elle devait cacher cette homosexualité. J'ai consulté mes notes, les entretiens, etc., les observations faites à l'infirmerie spéciale du dépôt, dans les autres services, etc. Jamais elle a parlé de ce père homosexuel. C'était donc, c'est ça, ce qu'on appelle une production extemporanée. Elle vous dit ça, elle vous dit « Ah oui, un père homosexuel, on comprend, on produit immédiatement du sens. Quant à la mère, qualifiée d'anorexique et d'alcoolique, elle aurait été constamment en bataille avec elle. Et il semble qu'elle fasse allusion dans un énoncé en 2011 qui est le suivant, « Il ne pouvait pas avoir plus d'un enfant », allusion au bébé mort-né avant elle. Sauf que, en réalité, il ne pouvait pas avoir plus d'un enfant, et cette fois rapporté à une toute autre histoire que celle du bébé mort-né avant elle. Ils m'ont refait tout de suite. C'est lié à l'idée que pour cacher l'homosexualité du père, il avait été convenu qu'ils auraient un enfant avec la mère de la patiente, un et un seul enfant, et que cet enfant aurait servi à faire la démonstration que le père n'était pas homosexuel et que ça suffisait à la famille comme ça. Et donc, du coup, même le rôle de la gentille grand-mère qui est la seule qui se soit occupée d'elle et qui est devenue aveugle change et devient un rôle, n'est-ce pas, de celle qui, pour préserver la bonne réputation de la famille, aurait simplement organisé un mariage et un rapport sexuel de façon à ce qu'il y ait un enfant et que son fils ne soit pas accusé d'homosexualité. Alors ça, vous voyez, à nouveau, plus moyen de savoir de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, remarquez, j'avais été prudent en 2009, j'en avais pas tiré des conclusions oedipiennes ou je ne sais quoi, etc. Mais vous voyez comment nous sommes immédiatement portés à aller refabriquer des explications métapsychologiques de la situation, tandis que ce qui est fondamental, c'est pas ce qu'elle raconte, c'est la logique du remaniement du passé et de la réorganisation de la cause de l'état présent. Et qu'il y a plusieurs manières, dans cette grammaire de son délire, de désigner la cause originaire de sa situation présente. Soit par le père homosexuel, il ne pouvait pas avoir plus d'un enfant, soit par l'enfant mort-né qui est avant elle, etc. Et que ce qui est l'appréhension proprement structurale du cas, c'est justement de ne fonctionner qu'en pensant aux transformations de ce délire. Et en essayant d'attraper comment, de manière abstraite, extrêmement abstraite, le délire se transforme et qu'est-ce qui reste stable dans tout ce qui change. Et non de se fasciner sur le fait qu'il y a un père homosexuel ou un enfant qui est mort-né avant. Et puisque là, ça, on n'a aucun moyen, en fait, de le savoir. De même, cette patiente nous raconte qu'elle a très précocement consulté en psychiatrie, elle dit vers 8 ans, bon. Elle raconte toutes sortes de choses extrêmement curieuses. En tout cas, elle se dit avoir été homosexuelle dès le départ. Ce que en 2009, elle disait, elle racontait pas du tout la même chose. Elle disait, au contraire, bien loin d'être la complice de la dissimulation de l'homosexualité de son père l'avait jeté dehors très tôt à cause de son homosexualité affichée. Bon. En tout cas, ce qui apparaît d'entrée de jeu dans les drames de son enfance, et ce qui est le schéma logique, abstrait, constant, c'est qu'elle est un pion dans le jeu de l'autre, et que pour elle, elle n'est rien pour l'autre. Je ne suis rien pour l'autre. Et en 2009, le cœur de sa structuration paranoïaque, c'était, ou pseudo-paranoïaque, hein, c'était l'injustice commise par le père qui l'avait foutu dehors. Son père l'avait littéralement traité comme quantité négligeable. Ce qui me paraît très frappant c'est dans ce genre de choses, c'est que justement la symptomatologie, l'imaginaire paranoïaque qui s'était développé, le caractère impardonnable du père qu'il avait mis dehors, se retrouve ici sous un autre mode. Elle est un pion dans le jeu de l'autre. On l'a fabriquée pour démentir l'homosexualité de son père. En tant que telle, elle n'existe pas. C'est pas qu'elle a été refaite, hein, c'est juste qu'elle a été faite, mais pour une fin qui ne concerne aucunement la légitimité intrinsèque de son existence, hein, dans un désir, mais pour comme un pion dans le jeu de son père et de sa grand-mère. Alors, la plus ancienne hospitalisation que j'ai trouvée dans le dossier, c'était il y a 87, ça fait facilement ça fait 25 ans, hein, c'était à Esquirol pour anxio-dépression. Elle raconte assez systématiquement qu'elle était hospitalisée à Sainte-Anne à 16 ans pour violence contre sa mère, et elle ne cesse d'expliquer que c'est parce qu'on ignorait qu'elle était gravement malade et qu'elle avait un LR dans l'os. Je suis frappé quand on compare les deux entretiens sur le fait qu'elle s'appuie sur le réel que veulent bien lui reconnaître les médecins et que c'est la seule chose, finalement, qui est l'ancrage qu'elle donne, hein, à son propos. Et c'est assez solide car elle a une fascinante histoire de diagnostic dans son dossier. Et quand on regarde la liste des... J'ai suivi donc sur 25 ans la carrière psychiatrique de Catherine P., hospitalisée à Esquirol à 21 ans pour anxio-dépression, plusieurs hospitalisations avec incurie, fugue, confusion mentale, l'infirmerie de la préfecture de police, l'infirmerie spéciale en 2005, quelqu'un remarque automatisme mental. Curieux, elle se présente à l'époque comme sous un autre nom. Elle se présente comme étant Madame Ranzel da Silva. Un moment d'érotomanie, dans le service du professeur Monet, d'autres diagnostics des troubles de l'humeur atypiques avec une personnalité pathologique, hein, c'est manifestement pas les plus malins parmi tous les psychanalystes, et il y a énormément de certificats qui parlent du polymorphisme de son délire. Et la suggestion très ingénieuse de Jean-Jacques, c'était de dire, au fond, si c'est réel, que très tôt, dès 8 ans, elle aurait été montrée au médecin qu'elle était anormale, qu'elle était bizarre, etc. Il se pourrait qu'on ait affaire, non pas à une psychose de l'adulte, mais au vieillissement d'une psychose infantile. C'est à ces psychoses infantiles qui ont, ça c'est un fait qu'il ne faut pas oublier, des transformations qui ne les font pas tomber pile poil dans les catégories de la schizophrénie, de la paranoïa, du trouble maniaco, de la maladie maniaco-dépressive, des choses comme ça, hein, qui les font tomber dans des trucs extrêmement bizarres, qui se trouvent être en quelque sorte des développements particuliers de la psychose infantile. Donc je laisse ce truc-là, mais en tout cas, ce qui est très sensible, c'est qu'elle s'est lancée dans un combat pour la réparation. Et qu'en 2009, par exemple, ce qu'elle réclamait du père, c'était réparation pour le tort qu'il lui avait fait. Mes parents me doivent réparation. À nouveau, hein, cette idée, ils m'ont refait tout de suite, rend extrêmement difficile la notion de réparation, de comprendre ce que c'est qu'une réparation. Quelqu'un qui est capable de dire « ils m'ont refait tout de suite », quelle est la réparation auquel elle aspire ? Alors, je laisse les petites élaborations qu'elle a toujours eues depuis longtemps, elle voulait faire de l'humanitaire, Edgar Ballard, de lui-même se présenter à la mairie, etc. Bon, une sorte de petites choses bizarroïdes, mais qu'on trouve assez couramment dans cette bizarrerie, ce polymorphisme, on l'observe assez couramment dans les psychoses infantiles vieillies. Je trouve que c'est vraiment une remarque clinique importante à garder sous le coude. Mais en tout cas, ce qui est très curieux, c'est que ça a fini par abîmer ce rapport de couple très spécial qu'elle avait, donc avec sa compagne de 25 ans, à laquelle, soulignait-elle en 2009, elle n'avait jamais menti. En tout cas, voilà un objet, Catherine P., qui peut opposer son réel, un peu étrange, paradoxal, voire peut-être mystificateur, à l'autre. Et elle trouve par là une sorte de garantie qui lui donne un nom. Parce qu'au fond, c'est comme ça, c'est sa première phrase. Je suis une LR dans l'os. C'est des noms de maladies qui finissent par fonctionner dans un registre imaginaire, surtout quand vous avez le privilège d'avoir une maladie rare. Tout s'en déduit, aussi bien le fait qu'elle était surdouée enfant, ce qui est une manière de se représenter son enfance, ou violente à l'âge de 16 ans. Et donc, les référents médicaux dont elle est l'objet sont les garanties de la réparation auxquelles elle a droit. Alors, est-ce qu'elle confabule sur des thèmes de maladie qu'elle attrape dès qu'on lui en parle et qui lui permettent en quelque sorte de nourrir dans l'échange la référence à ce réel de l'objet ? C'est extrêmement problématique de savoir si elle confabule. Je crois au contraire que ce n'est pas de la confabulation. C'est le fait qu'elle a une petite cellule signifiante qui lui permet de se présenter comme un problème diagnostique à l'autre soignant. Et que, effectivement, cette cellule-là, elle ne peut pas aller très loin. Elle peut aller au bout de quelques phrases, les phrases qui énoncent la liste des symptômes dont elle souffre, l'histoire de la maladie, etc. Puis qu'ensuite, elle est obligée de passer à autre chose, par exemple un autre nom de maladie, ou à une autre figure de la demande de réparation qui est due à l'autre, et que ça déconnecte dans la chaîne de sa parole des îlots qui donnent l'impression comme ça qu'elle parle de choses extrêmement différentes. Mais si on attrape cette cellule-là, qui est une cellule symptomatique, c'est ça qu'on appelle un symptôme, une modalité d'articulation du je, de l'objet qui est ce je, de l'autre qui garantit que la façon dont ce jeu se rapporte à l'objet qu'il est vrai, et en même temps de cet autre qui est, auquel fait obstacle quelque chose, hein, c'est un autre qui est mis en difficulté, quand vous avez ces quatre dimensions qui tournent ensemble, eh bien vous avez quelque chose d'aussi puissant et d'aussi consistant que chez Schreber, le « je suis la femme qui manque à Dieu ». Je suis l'objet de référents médicaux pour qui je suis un problème diagnostique. Et autour de ça, elle peut coudre quelque chose. Et donc, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que si vous ne perdez pas de vue cette structure extrêmement abstraite, le bricolage qui utilise ici l'autre soignant pour être son objet fonctionne d'une certaine manière comme un arrimage, une consistance subjective. Consistance qui est très limitée dans la réalité de sa vie sociale avec nous, hein, puisque c'est extrêmement sensible à l'entretien. En dehors de l'hospitalisation, il n'y a pas d'horizon. C'est-à-dire qu'au fond, la triste conclusion qu'il faut tirer de ça, hein, c'est que si ce n'est pas nous qui l'accueillons au titre de ses troubles psychiques, elle va aller faire le siège des consultations des uns et des autres pour se faire, alors que ce soit un fauteuil roulant ou Dieu sait quoi, ou un examen supplémentaire, elle ne voit rien au-delà de l'hospitalisation. Et ce qui est plus, si vous voulez, embarrassant, c'est qu'au fond, la part de l'imaginaire et donc de ce en quoi elle pourrait participer à une forme de réalité serait-elle marquée par la paranoïa, réalité commune, semble énormément disparaître, parce que se présenter comme ayant subi une injustice impardonnable de la part de son père, pour lequel elle réclame réparation. Bon, son père était toujours vivant. Voilà que son père est mort l'an dernier. Ce qui s'est passé entre le premier entretien et le deuxième, c'est qu'en 2008, semble-t-il, le père. Enfin, une chose qui est sûre, c'est qu'elle a eu un père. Hein. Mais pour le reste, on n'en sait rien, si vous voulez. Hein. Enfin, toujours est-il que c'est quelque chose de ce type-là. Et elle a, comme ça, un type de propos et de discours, et c'est sur ça que je vais. Terminée, elle a laissé dans son dossier une liste absolument extraordinaire de ce qu'elle appelle mes besoins. Et alors qu'elle a mis sur les feuilles, dont j'ai amené celle-là, le soir, passé sur la figure un lait Nivea. Pour se laver, gel douche à base de plantes. Pour entretenir mes pieds, il me faut un appareil fait exprès pour faire des angles et éviter les escarres. crème de bon niveau pour tout le corps et pour le visage. Règles trop abondantes et mal aux articulations pendant le moment. Ne peux pas écrire avec un stylo à billes. Je dois écrire avec un critérium rechargeable avec une gomme. Des listes entières de feuilles comme ça, qu'elle dépose comme ça sur sa table pour le personnel soignant, qui sont totalement, en fait, des phrases, des structures de phrases, comme ça, complètement déconnectées les unes des autres, qui sont, chacune de ces phrases est comme, en quelque sorte, un élément dont la coordination avec le précédent est complètement étrange et bizarre, et relève d'une sorte de logique artificialisée, qui est celle, au fond, de l'acrostiche. C'est-à-dire des mots qui ne sont liés que par une connexion littérale arbitraire. Or, ça m'a énormément frappé, parce que quand j'ai vu cette femme, pour la première fois, elle était dans le couloir, en train d'écrire un acrostiche. Et lors de l'entretien qu'elle a avec nous, elle parle d'une patiente dont elle s'est... amourée dans le service, patient qui s'appelle Cécilia, et à ce moment-là, elle interrompt l'entretien et elle nous dit « Cécilia, c'est C comme courtisane, E comme éloquente, C comme chanteuse, I comme irrésistible, L comme larmoyante, I comme imitatrice et A comme aimante. » Silence dans la salle. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, vous avez comme ça des espèces de modalités littérales du rapport à la lettre, en quelque sorte, comme des listes qui sont très éparses et où le maximum de corrélation qu'on puisse construire entre ces différents segments signifiants semble être, par exemple, par le mode de l'acrostiche, par une sorte d'artifice de ce genre qui sert, si vous voulez, par un croisement littéral à identifier les objets dans le monde de la réalité. Et le plus près dont elle s'approche, au fond, de la réalité commune, c'est celui d'objets identifiés par le croisement de ces coordonnées littérales, par des acrostiches, etc., où la femme qu'elle aime, le chef de service, ont droit à des tentatives de définition qui sont produites par ces espèces d'agglomérations par recroisement de séries littérales. Alors, ce littéralisme est un peu niais, celui des listes qui a... comme ça, dans une photocopie là, mais il y en a 7 à 8 pages, hein, comme ça. Alors, l'équipe soignante le donne comme ça, se demande quoi faire, ce genre de choses, qui sont cohérentes. Par exemple, je vous ai lu plein de choses sur les crèmes qu'il faut qu'elle emploie. Un LR dans l'os est effectivement quelqu'un qui a un problème de peau spécifique qui nécessite qu'on le crème et qu'on prenne un soin spécifique de sa peau. Il a des problèmes de règles, il a des sortes de problèmes de ce genre, enfin, chez les femmes qui ont des LR dans l'os. Mais là, vous voyez, c'est des phrases, et le titre général, c'est « Mes besoins ». Un mode de rapport à autrui régulé de cette façon. Et c'est là, vous voyez quand même, que quel que soit et je conclue sur ça ce soir, quel que soit la tentation que nous avons, et qui est une tentation qui est liée au fait que justement notre structure fait obstacle, notre machinerie mentale fait obstacle à la compréhension de la psychose. Il fait obstacle. C'est-à-dire que ce que je vais aller faire en allant vérifier dans le dossier qu'elle a bien tout ça, c'est parce que j'ai besoin de ce détour, parce que je suis monté d'une manière différente psychiquement, pour pouvoir lentement me faire à l'idée que la construction du rapport au monde ne va pas produire une réalité commune avec la patiente, mais que ça va convoquer des choses qui produisent chez le névrosé, chez les gens qui partagent la réalité commune, supposé que soit névrosé, un effet de réalité, hein, partagé, mais qui peuvent être coordonnées et cousues ensemble d'une manière totalement différente chez d'autres êtres humains. Et j'insiste bien sur ce point, c'est pas parce qu'ils sont exceptionnels, c'est parce que l'effet de normalité est subordonné à ce type particulier d'articulation du réel, du symbolique et de l'imaginaire qui s'appelle la réalité. Et il n'y a d'autre réalité que de réalité normale. Ça, c'est vraiment un point. La normalité est sous la dépendance conceptuelle de la réalité. Hein, ce qui est normal, c'est ce qui est réel. C'est la réalité au sens. Donc dire qu'ils vivent dans une réalité anormale, ça n'a aucun sens. C'est complètement manquer la chose. Ça veut juste dire qu'il y a des manières d'être humain qui ne sont en aucune manière déficitaires, hein, dont même une psychose pareille qui vous laisse... c'est vraiment le comble du... vraiment, c'est la paraphrénie confabulante, c'est l'hypochondrie délirante sous sa forme la plus, vous voyez, stigmatisée, pathologique, etc. En réalité, semble bien, avec des limitations de fonctionnement qui sont manifestes, produire une certaine consistance subjective qui est celle de la psychologie. Bien ça, c'est uniquement, et ça sera mon dernier élément ce soir, c'est uniquement si on se situe dans cette perspective-là de renoncer totalement à prendre la réalité et la perte de la réalité comme index de la psychose que vous avez accès à cette manière d'écouter les psychotiques, uniquement. Voilà. Et je trouve que une patiente de ce genre, et le travail qu'elle vous fait faire, montre amplement quels sont les bords qui nous rendent complices ou au contraire étrangers avec cette manière de tisser ensemble le réel, le symbolique et l'imaginaire. Voilà. Une remarque, une question, quelque chose là-dessus ? Juste sans doute les infirmières. Oui. Dans les services, on accède plus facilement à cette manière d'écouter les psychotiques. Ce sont elles qui recueillent ces écrits, ces petits papiers, ces choses qui arrivent à entendre très souvent ce qui compte pour les psychotiques. Je suis frappé par ça. C'est plus difficile en entretien. Voilà. Avec toute une sémiologie, ça c'est plus délicat. Est-ce qu'on pourrait mettre en parallèle l'abandon de la réalité comme index dans l'écoute de la psychose et la réduction phénoménologique ? Je pense pas, pour une raison très simple, c'est que ce qu'on appelle la réduction phénoménologique, la suspension, l'époquet phénoménologique, c'est pas une... c'est un suspens de la réalité pour ne garder que la signification, la visée de cette réalité et que le regard reste orienté vers cela même qui est suspendu de façon à faire émerger ce qui donne dans la réduction au sens, enfin dans l'époque phénoménologique, dans le moment transcendantal de l'époque phénoménologique, ce qui fait émerger la contribution de l'ego à la constitution des cogitata, enfin de ce qui est de ces corréla, du corréla de ce qu'il pense. Le regard va toujours dans le même sens. Ce qui me paraît très profond dans l'approche formelle, comme ça par réel, symbolique et imaginaire, c'est que la combinatoire des RSI, les modes de connexion et de symptomatisation de RSI, introduisent une pluralité qui fait que ce n'est pas la réalité commune qui est suspendue. C'est autre chose que la réalité qui apparaîtrait dans d'autres modes de recroisement du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Ce qui fait, ce qui je signale par exemple, ce qui fait qu'il n'y a pas de raison de considérer que la qualité intrinsèque d'une hallucination est la même dans une paranoïa, dans une schizophrénie, etc., et même de patient psychotique à patient psychotique, puisque ce qui en fait la densité ou la qualité propre, le poids particulier que ça peut prendre dans une économie subjective, dépend du mode de liaison entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Et je trouve que ça, c'est un instrument analytique, je trouve, chez Lacan, extrêmement profond, parce que, j'en sais rien s'il est juste ou bon, si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça nous introduit un sens de la différenciation des modalités de ce que c'est que ce qu'on range par rapport au repère de la réalité dans le registre de l'hallucination qui est considérable. C'est beaucoup plus que de dire que l'hallucination acoustico-verbale a un statut spécifique dans la sémiologie par rapport à l'hallucination visuelle ou kinesthésique, etc. C'est de dire qu'il faut renoncer, psychanalytiquement parlant, en termes lacaniens, à parler d'hallucination comme d'un phénomène général. Il faut le décentrer par rapport à la réalité qui serait hallucinée ou qui manquerait et le rapporter au poids particulier que ça prend dans une économie subjective en fonction de la symptomisation ou de l'échec à la production, à produire un symptôme, c'est-à-dire une certaine articulation entre le réel, le symbolique et l'imaginaire. Vous voyez, je trouve que là, ça introduit une finesse, des capacités différentielles qui sont au fond tout ce dont on a besoin pour travailler. Mais en même temps, de ce point de vue-là, je ne vois pas bien ce que ça voudrait dire de dire que le modèle, de se demander si le modèle RSI est juste ou non. Oui, oui, mais vous savez mon aversion pour les théories. Hein, je crois que ce que je veux faire, c'est pas de dire qu'il y a du réel, du symbolique et de l'imaginaire. C'est de dire que si vous vous en servez de cette manière-là, alors ça vous permet d'introduire des différences cliniques dans des endroits où jusqu'ici on était dans la compacité, la généralisation psychologique, etc. Et ça peut aller, au fond, jusqu'à remettre en question le fait qu'une voix, un vécu corporel bizarre, quelque chose comme ça, aurait la même valeur chez le paranoïaque X et chez le schizophrène Z. Non. Non. Ça veut aussi dire, par exemple, et je dis ça va très très loin, ça veut dire que le fait de produire en séance ou dans une cure des choses qu'un psychiatre avec son regard centré sur la réalité et la normalité va appeler une hallucination n'est pas nécessairement ni systématiquement une erreur technique de l'analyste. Je crois qu'il faut aller jusque-là, il faut apprécier structurellement que dans certaines opérations qu'on fait avec les patients, surtout quand on a les patients psychotiques, peuvent à un moment ou un autre déclencher un phénomène hallucinatoire, et que c'est pas parce que c'est impressionnant, anormal et un saut en dehors de la réalité que vous avez nécessairement fait une erreur. Il est fort possible que vous ayez fait une grave erreur et que ça va être pour vos pieds, mais que c'est pas nécessairement, et surtout pour les pieds du patient d'ailleurs, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'il faille écouter vous voyez, souvent les jeunes analystes produisent des effets comme ça, bizarroïdes, chez les gens s'inquiètent énormément. Ils se disent parce que j'ai fait une gaffe. Oui, en général, ils font une gaffe, mais pas toujours, et même souvent, on peut dire c'est pas des gaffes, c'est juste que la structure de la situation est telle qu'à un moment, voilà, il va sentir un truc bizarre dans le corps, il va entendre une voix, et qu'il faut être extrêmement vigilant à l'économie que ça a. C'est pas, on n'a pas fait une gaffe comme ça. On a fait une gaffe par rapport à une configuration clinique dont il faut se donner les moyens de décrire finement les composantes. Oui. Je pense aussi, mais c'est pour vous donner juste l'idée que c'est ce que je dis, j'aime pas les théories, mais j'aime bien que ça enrichisse le répertoire clinique et pratique des gens qui lisent Lacan, hein, parce que ça, le but c'est ça, Lacan c'est quelqu'un qui donne des instruments et non pas une explication de ce que c'est que le sujet avec S majuscule. Le fait que chez des névrosés, il puisse y avoir des choses dont on n'a jamais vraiment su si c'était des hallucinations ou pas. Névrosé, ça peut entendre une voix, quoi. Alors évidemment, pour des raisons structurelles très profondes, la voix, elle n'est pas péjorative et elle a rarement le critère de la signification personnelle, etc. Mais entendre une voix, se sentir appelé, ma foi, il y a des mystiques qui sont appelés, il y a des gens qui font des expériences très particulières, c'est pas nécessaire parce qu'ils ont fumé la moquette, ça peut être tout à fait à froid. Les gens sont très embêtés devant ce type de phénomène. Ça veut dire qu'un névrosé aussi, il peut construire son rapport au réel, au symbolique et à l'imaginaire, en sorte que la réalité, il puisse y avoir une perte de réalité dans la névrose. Pas oublier l'argument de Freud, c'est dans la névrose et dans la psychose. Mais que les coordonnées de cette perte de la réalité dans la névrose aussi méritent d'être explorées. Et ça, avec avec autre chose que le recours à des vieilleries comme des catégories moralisatrices, comme ah oui, je suis une bouffée passionnelle, des choses comme ça. Hein. Le mec qui voit la femme qu'il a quittée dans le métro, qui a des cauchemars très particuliers, etc. Ça a une qualité sensorielle troublante, hein, qui est un peu inquiété, un praticien un peu expérimenté. Et en même temps, que ça apparaisse, ça ne veut pas dire qu'il est psychotique, ça ne veut pas dire... Vous voyez les conséquences que ça a, si on va jusqu'au bout d'utiliser la topologie de RSI, hein, comme ça. Dernière séance en juin.